Après avoir envoyé Pilade plaider sa cause amoureuse auprès d'Hermione, Oreste rencontre Pyrrhus. Avant que tous les Grecs vous parlent par ma voix, souffrez que j'ose ici me flatter de leur choix, et qu'à vos yeux, Seigneur, je montre quelque joie de voir le fils d'Achille le vainqueur de Troie. Oui, comme ses exploits, nous admirons vos coups. Hector tomba sous lui, Troie expira sous vous, et vous avez montré par une heureuse audace que le fils seul d'Achille a pu remplir sa place. Mais ce qui n'eut point fait, la Grèce avec douleur vous voit du sang troyen relever le malheur, et vous laissant toucher d'une pitié funeste, d'une guerre si longue entretenir le reste. Ne vous souvient-il plus, Seigneur, quel fut Hector? Nos peuples affaiblis s'en souviennent encore. Son nom seul fait frémir nos veuves et nos filles, et dans toute la Grèce il n'est point de famille qui ne demande compte à ce malheureux fils d'un père ou d'un époux, qu'Hector leur a ravi. Et qui sait ce qu'un jour ce fils peut entreprendre? Peut-être dans nos ports, nous le verrons descendre, tel qu'on a vu son père embraser nos vaisseaux, et la flamme à la main, les suivre sur les eaux. Oserais-je, Seigneur, dire ce que je pense? Vous-même, de vos soins, craignez la récompense, et que dans votre sein ce serpent élevé ne vous punisse un jour de l'avoir conservé. Enfin, de tous les Grecs, satisfaites l'envie, assurez leur vengeance, assurez votre vie. Perdez un ennemi d'autant plus dangereux qu'il s'essaiera sur vous à combattre contre eux.